On reviendra à tout ça puisqu'on parlait de santé mentale. Il y a peut-être une raison supplémentaire qui fait que les exilés se retrouvent en France. C'est qu'ils veulent écouter évidemment l'analyse pointue et nuancée de l'actualité par Aymeric Magic Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oh ben j'ai rien entendu ! Bon, allez, on va essayer de rigoler. Bon, vous devez deviner qui je suis. Attendez, j'ai écrit trop petit. Alors, Aymeric Lomprey-Sbitte. Ouais, bon, c'est brillant. Ouais, merci. Au début, j'avais pensé à Presbitte. Mais après, Pierre-Emmanuel, il a dit « Non, c'est beaucoup trop drôle, tu vas me faire de l'ombre, bite !» Parce qu'à chaque fois, Pierre, à la fin de ses phrases, il dit « bite » pour faire rire ses camarades. Et après, nous, on est gênés. Allez, l'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas quelqu'un qui cherche du travail et qui est là sur son fauteuil. « Ah, quand est-ce que ça tombe la cafle ? Eh, putain, il est bien cet écran plat que j'ai acheté avec la loque de la rentrée. Eh, Brandon. Putain, je deviens de droite, fais chier. Non, mais ça, c'est parce que je suis à Paris depuis une semaine. C'est faut vite que je retourne en tournée, voir les vrais gens, les gens du peuple, les châteaux, les forges, les moulins, les dentelières fertiles, et le futuroscope, le parc du futur. Non, c'est pas vrai. J'y suis allé l'année dernière, à un moment, j'ai sorti mon iPhone, tout le monde était là. Sorcellerie! Il a volé l'âme du réverbère, écartez-le! Là-bas, l'attraction qui t'envoie dans le futur, elle t'envoie en 2012, je te jure. Ah d'accord, un écran tactile, c'est fou! Bite. Allez, l'actualité c'est parti, l'actualité, elle a déjà bien attendu. L'actualité, on dirait quelqu'un du public qui est là, putain, 15 balles, les enculés. Putain, je suis mal assis, je suis tout serré, c'est pas un théâtre, c'est un Ouigo. Allez. Bon alors, cette semaine, j'ai lu. Non, je déconne, c'est pas vrai. Sinon, je serais tout blanc. Non, cette semaine, j'ai vu une vidéo qui dit que les gens qui bénéficient de la CAF, ils ont des notes. Ils sont notés. Alors, ils appellent ça un score de suspicion. Alors, plus t'es précaire, plus t'es suspect. Et plus t'es suspect, plus tu risques d'être contrôlé. Ouais, bon. Alors là, plein d'infos. Hein. Donc déjà, il existe un métier où tu dois contrôler les gens qui fraudent la CAF. Hein. Ça, c'est un métier... qu'est-ce que tu fais, toi ? J'éventre des chats. Et de deux, comment ne pas vomir ? Alors, faut imaginer, tu es au RSA. Alors, on imagine à Paris, on est tous au RSA. Là, tout le monde est là, RSA. C'est un concept store. Bon, imaginons, on est au RSA, tu es au RSA, tu bouffes au Resto du Cœur, il fait 7 degrés dans ton appartement, ta fille est fan de Louane, et là, il y a quelqu'un qui arrive chez toi, toc toc toc, c'est Heinrich, je viens voir si vous n'êtes pas en train de profiter du système. Entrez, monsieur Heinrich, entrez. Vous voulez que je vous serve de l'eau tiède ? Non, ça ira. Un haricot ? Non, madame. Un croque ? Y a du jambon ? Non. Y a du fromage ? Non. Y a du pain ? Non. Bah, c'est quoi alors ? Un haricot. Bah, du coup, non. Oh là là ! Un poster de New York avec un taxi jaune ! Bah alors ? Alors ? On est une propriétaire d'œuvres d'art, madame ? Hein ? C'est peut-être à cause des 20 euros non déclarés du mois dernier ? Pour qui, pourquoi, comment ? Non, mais c'est parce que j'ai dû me prostituer pour payer la cantine de mon fils myopathe et j'ai pas déclaré pas bourgeoise ! Non, merde. Bon, je vais pas faire tout le dialogue parce que ce serait servir de la confiture au canard, mais à la fin... Non. Ça, c'est de l'impro. Mais à la fin... Bite ! Mais à la fin... Non, mais à la fin, je vous dis, en fait, Heinrich se rend compte que c'est un gros tas de merde et il tombe amoureux de la dame et ils vont vivre en Lozère pour élever des chaises. Oh. Alors... Non mais franchement, ils ont pas autre chose à foutre que de traquer des gens qui sont dans la merde. Franchement, la fraude, c'est 15 millions d'euros par an, alors qu'il y a 10 milliards d'euros d'aides non perçues. Voilà. Alors d'ailleurs, j'en profite, allez tous sur mesdroitssociaux.gouv.fr, histoire de récupérer les 10 milliards d'euros qu'on vous doit. Voilà, comme ça, ils vont devoir faire des coupes budgétaires, et hop, tous les petits Heinrich à la rue. Alors, mais vous inquiétez pas pour les petits Heinrich, parce qu'après, ils vont aller sur mesdroitssociaux.gouv.fr, et ils pourront bien se vautrer dans le luxe avec 500 balles par mois. Merci de m'avoir écouté. Merci, Aymeric.